toutes et tous dans ce nouveau mag sur Radioactive. On poursuit aujourd'hui notre série de portraits consacrés aux intervenants de la MJC d'Amboise. Après Ève Cerisier et son théâtre d'impro, aujourd'hui, lumière sur Jean-Pierre Poulain, professeur de guitare à la MJC depuis 1992. Et oui, plus de 30 ans à transmettre sa passion, sa pédagogie et sa bienveillance à des générations de guitaristes en herbe. Alors entre riffs, accords et souvenirs, on vous propose de tendre l'oreille à celui qui a fait vibrer les murs de la MJC depuis des décennies. C'est parti, bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez commencer par nous raconter comment vous êtes arrivé à la MJC d'Amboise en 1992 ? Je faisais un duo avec Jean-Pierre Allard, c'était un guitariste classique, moi j'étais plus folk, et ben, un jour il a arrêté de donner des cours à la MJC pour aller à l'école de musique. Donc vous avez pris le relais. Il m'a recommandé auprès de la MJC. Ben, il a bien fait parce que ça dure depuis. Oui, oui. Alors en trois décennies, on imagine que vous avez vu défiler des générations d'élèves, évidemment. Oui. Comment vous avez vu évoluer le rapport à la musique ? Est-ce que les goûts ont évolué en termes d'approche de la guitare ? Ah oui, oui. Enfin, on voit des modes. À un moment donné, c'était Nirvana. Après, ça change, c'est autre chose. Je me reconnais bien dans ce que vous dites là. Mais même 10 ans après le groupe, ça continue encore. Mais après, ça s'essouffle. Ça passe à autre chose. Ah oui ? Ouais. Et là, par exemple, c'est quoi la mode en ce moment ? Eh bien, je ne sais pas trop. C'est quoi votre approche pédagogique avec les débutants ? Comment vous vous y prenez quand un jeune arrive et voilà, il n'a jamais touché à une guitare? Comment ça se passe les premiers temps? Eh bien, je lui fais apprendre 2 accords, mi mineur, la 7e. D'accord. Et avec ça, déjà, on arrive à faire quelque chose? À accompagner, ouais. Ouais. Après, je fais en tablature, mais ça peut être en solfège aussi. Donc, quand on veut prendre des cours de guitare, on n'est pas obligé de connaître le solfège? Oh non. Et même pour jouer de la musique? Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai qu'après, on connaît le principe des tablatures, pour ceux qui touchent un petit peu à la musique, mais les tablatures, ça existe aussi pour d'autres instruments. Oui. Je me suis rendu compte qu'on pouvait jouer donc, sans apprendre, sans savoir jouer même. Ah oui. C'est même plus que de jouer en autodidacte. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas le solfège, ils apprennent en autodidacte. Mais on peut même jouer sans apprendre. Quelque chose d'inné, finalement. Oui, à condition d'improviser. Oui, c'est ça. Et dans votre carrière, vous en avez rencontré beaucoup, des comme ça ? Ah, des gens qui font ça ? Ah bah, tout le monde. Ah oui ? C'est accessible à tout le monde ? Oui. Ok. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Bah oui. Et vous adaptez vos cours selon les styles musicaux demandés par vos élèves. Alors moi, je le sais parce que j'ai été dans les bancs des élèves il y a longtemps. Mais c'est vrai que ce qui est génial avec Jean-Pierre Poulain, c'est qu'on arrive, on dit, bah, moi, j'aime ce truc-là. Et Jean-Pierre, la semaine d'après, s'il ne l'a pas déjà dans ses bagages, la semaine d'après, il arrive avec la partition qu'on a envie de bosser. Donc ça, c'est génial. Oui, alors, par rapport à l'évolution, justement. Oui. J'ai commencé en 1980. Alors au début, les élèves, ils me prêtaient un vinyle. Ah là là, ouais. Et la semaine d'après, je redonnais le vinyle avec la tablature. Oh, ben oui. Après, c'était des CD et cassettes. Et puis maintenant, on m'envoie juste un lien. YouTube. Et puis, voilà. Ça, c'est une véritable révolution dans le domaine de la musique. C'est que maintenant, c'est vraiment accessible à tout le monde facilement. Parce qu'à une époque, s'acheter un vinyle, ça représentait aussi un coût quand même. Oui. Maintenant, vous allez sur Internet, vous accédez à la musique gratuitement même. Ouais, mais par contre, j'ai l'impression que avant, si j'achetais un CD, j'écoutais les morceaux dans l'ordre. Oui. Je voyais la pochette, enfin le. Ouais. Alors que là, je peux voir juste un morceau tiré du contexte. Ça dénature un peu les choses. Ah, enfin, si je veux juste un morceau, c'est mieux. Mais moi, je préfère pour comprendre l'artiste, acheter son CD. Je comprends complètement. Enfin, je suis peut-être un vieux. Non, mais c'est plutôt une belle remarque que vous avez là, puisque maintenant, on ne va pas explorer la discographie des artistes, mais effectivement, aller cliquer sur un lien qui nous intéresse. Alors que, comme vous le dites bien, pour comprendre l'univers d'un artiste, il ne suffit pas d'écouter un seul morceau. Oui, je pense que ce n'est pas par hasard s'ils ont mis ce morceau-là en deuxième après un autre, etc. Et puis, il y a les chansons cachées, des fois. Oui. Donc ça... Est-ce que vous avez une anecdote ou un souvenir marquant lié à un cours, à un élève ou à un concert ? Quelque chose qui, depuis 1980, donc depuis que vous êtes guitariste, vous a marqué, Jean-Pierre ? Ah ! Alors c'est... Bon, par exemple, je faisais le TAP à Ballon-Miré, et c'est des écoles primaires. Et puis il y a une petite gamine qui vient me voir, et elle me dit « Monsieur Poulain, il y a Audric, il m'a roté, il faut le punir !» Oh, puis après, elle continue, elle dit « Il m'a dit, je vais te dire un secret, et puis il m'a roté !» Effectivement, ça, c'est marquant. Ouais. Il y avait des, je vais dire un secret, puis il a roté dans l'oreille. Quoi. Oh là là là là. Les enfants. Alors du coup, s'il y a des styles musicaux qui sont le plus demandés dans les ateliers, ça c'est pareil, ça évolue. On imagine qu'il y a 40 ans en arrière, on vous demandait peut-être plus de morceaux, alors peut-être que je me trompe, hein, mais plus de morceaux de rock alternatif, de choses, vous évoquiez Nirvana tout à l'heure, mais ouais. C'était peut-être des choses qui étaient plus demandées. Est-ce que, par exemple, un style musical comme le blues, la country, c'est des choses qui sont aussi prisées ? Oh, ça reste toujours un peu... Ouais. C'est tout le temps... Ça reste. Ouais. Ça a été quoi votre premier déclic à la guitare ? Est-ce qu'il y a un morceau ou un musicien qui fait que Jean-Pierre Poulain, il est devenu adepte de la guitare parce que il y a eu une étincelle ce jour-là d'écouter un morceau ? Alors, pas vraiment, non. Non. En fait, j'ai failli être pianiste. Ah oui ? Parce que quand j'étais au lycée Descartes et il y avait un piano à la permanence et je jouais du piano. Puis je rentrais chez moi, je jouais de la guitare. En fait, j'ai loupé mes études. Enfin, j'ai eu même pas le bac à cause de ça. Parce que la musique, ça prenait toute la place. Ouais. Mais c'est ce qui aujourd'hui vous fait, fait vivre. Ouais, donc finalement, c'est plutôt bien. Mais c'est pour dire que c'est même pas... J'aurais pu être plus pianiste. Je jouais de la clarinette déjà aussi. Mm-hmm. Mais dans les guitaristes que j'aime bien... Tout au début, l'un des premiers disques que j'avais, c'était Chuck Berry. Ah. Mais bon, je fais pas une fixation dessus non plus. Non, mais ça donne une idée, c'est sympa. Et qu'est-ce qui vous anime encore aujourd'hui, après toutes ces années ? C'est de faire jouer les gens qui ne savent pas du tout jouer. C'est vrai. Oui, oui. D'ailleurs, on peut essayer. Hein. On peut essayer, en effet. J'ai amené une guitare, puis un petit synthé tactile. Et on peut même télécharger une application. Oui, gratuitement. Oui, oui. Oscillator. Ceux qui ont Android, voilà. Et ce qui permet de faire, de bidouiller des sons, c'est vraiment extraordinaire. Et il m'a montré ça, Jean-Pierre, hors antenne, c'est top. Ouais. Franchement, si vous pouvez y aller, on vous mettra un petit lien dans le podcast sur la page Facebook de Radioactive pour que vous puissiez accéder à cet outil. Alors aussi, Ce qui vous anime encore. Ah oui, il y a 12 notes dans la musique, enfin dans notre musique occidentale. Mm-hmm. Les Arabes, ils en ont 24. Mm-hmm. Mais bon, rien qu'avec 12 notes, j'ai fait tous les calculs, il y a 24 306 gammes. 350 échelles, 2047 modes. Waouh ! Et dont il y en a plein, c'est vraiment, c'est super. Hein. Mais c'est de l'inexploré. Donc moi, je fais des petits, j'ai une chaîne YouTube, hein, j'ai plein de morceaux, donc je fais des petits enregistrements avec une gamme un peu spéciale. Des façons de s'accorder différentes avec la guitare aussi. Moi, j'ai pas amené là, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Il dit « j'ai pas amené », pourquoi ? Parce que vous n'avez pas l'image. Mais aujourd'hui, vous êtes venu avec quoi ? Qu'est-ce que vous m'avez apporté là aujourd'hui ? Alors, j'ai amené un petit ampli à pile qui fait 2 watts. Microcube. Microcube, ouais. Un petit synthétiseur tactile, une guitare normale, une guitare sèche, et puis aussi une guitare électrique, mais accordée spécialement. Et ce qui fait que tout le monde peut jouer dessus. C'est là qu'on a fait un essai. Et on a fait un essai, on va vous faire partager quelques notes de cet essai. Avec une gamme japonaise. Thank you. c'est génial. J'espère que nos auditeurs seront indulgents parce que c'est la première fois que je touchais à cet appareil et que voilà, c'était peut-être pas... L'accompagnement était parfait, Jean-Pierre. Hein. Oui, mais c'est... la musique était pas mal non plus. Hein. Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir là ? Voilà, par exemple, le petit synthé tactile avec d'autres sons. D'accord. Alors, on peut même s'enregistrer. C'est génial, ça tient dans la main. Donc voilà. À moi ? Oui. Oh, je l'ai fait bugger. J'ai fait bugger la machine, dis donc. Oui. On dirait des voix. Hein. Ouais. On dirait des gens qui parlent derrière. C'est génial. Je vous le redonne parce que je ne le fais pas aussi bien que vous. Et bon. Ah, c'est génial. Que de découvertes avec Jean-Pierre. Moi, je lui disais tout à l'heure en antenne, je me rappelle quand j'avais 16 ans, il y a quelques décennies en arrière maintenant, des cours de guitare où il arrivait avec l'harmonica et il nous faisait des morceaux, mais c'est des souvenirs impérissables, ça. Par contre, moi, je m'en souviens pas mal de l'harmonica. C'est vrai. Enfin, je sais que je jouais de l'harmonica, oui. Ah, moi, je me rappelle de ça. Alors, dans ce qui vous anime, tout à l'heure aussi, hors antenne, on discutait et vous me disiez, des fois, j'interviens en ESAT ou en EHPAD. Oui, oui. Et alors, c'est de faire accéder la musique à n'importe quel public. Ouais. Et alors, vous me disiez une centenaire. Ah oui, il y avait une dame qui avait 102 ans. Et c'était la première fois qu'elle jouait avec ce petit synthé-là. Ouais. Et aussi avec un piano pliable. Mm-hmm. Et elle n'arrêtait pas de rigoler, elle n'arrêtait pas de rigoler. Enfin, ça lui plaisait. Voilà. Ah ouais, vous avez propagé le bonheur là, ce jour-là. Ouais. Comme quoi, voilà, c'est accessible à tout le monde. Et je fais un salon du bien-être à Tours le 7 et 8 juin. 7 et 8 juin, oui, oui, d'accord. Oui. Ah ben, on va prendre note alors et puis communiquer sur cette date. Et ce qui vous plaît le plus dans la transmission musicale, c'est ça, c'est de transmettre des sourires, des connaissances, le tout. C'est de démystifier la musique un peu. Ah oui ? Oui, oui. Parce qu'on s'en fait une idée, on croit que... Puis finalement, n'importe qui, hein, vraiment, peut faire. En maîtrisant quelques accords, on peut déjà accompagner ? Même pas ? Enfin, accompagner, c'est plus dur que de faire le solo. Hein. Ah oui ? Non, vous voyez, ça, c'est une idée préconçue qu'on a souvent. Ah oui, parce que l'accompagnement, il faut qu'il soit solide. S'il est bancal, c'est foutu. Alors que s'il y a un solo un petit peu bancal, c'est pas trop grave. Hein. Enfin, c'est mieux quand... Bien sûr, mais... On imagine que certains de vos anciens élèves sont devenus musiciens et continuent à jouer. Est-ce que vous avez des nouvelles d'eux ? Est-ce qu'il y en a qui ont percé ? Je pense que oui, hein, oui. Et qui vous donnent des nouvelles aujourd'hui ? Ah, qui me donnent des nouvelles, pas forcément, mais... Oh, mais... Les ingrats ! Bah oui. Mais ça vous arrive d'aller à un spectacle, à un concert et de vous dire « Ouh là là, lui, je lui ai donné des cours. » De voir des gens sur scène et... Non, je pense pas, mais je sais qu'il y en a qui sont intermittents, qui sont professionnels. C'est top. Pour celles et ceux qui hésitent à se lancer, qu'est-ce que vous leur diriez pour leur donner envie de venir gratter leurs premiers accords avec vous ? S'ils hésitent, j'essaierai de savoir pourquoi ils hésitent. Mm-hmm. Et là, s'ils sont derrière leur radio et qu'ils écoutent en se disant « Il y a un moment que je me dis que la guitare, ça me plairait bien, mais est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que je vais y arriver ? Combien de temps il faut pour arriver à jouer un petit quelque chose ?» Je leur dirais qu'en quelques mois, ils peuvent faire un accompagnement. Et on peut démarrer à n'importe quel âge ? Oh oui. Parce qu'on se dit souvent que la pratique d'un instrument, là encore peut-être idée préconçue, mais on se dit souvent que la pratique d'un instrument, ça se démarre petit ou jeune. Alors les jeunes, ils apprennent moins bien que les adultes. C'est vrai ? Ah oui, c'est sûr. Il y a plus d'assiduité chez les adultes ? Déjà, un enfant, au bout d'une demi-heure, il ne faut pas lui demander plus. S'il fait un accord, par exemple, comme le fa... Hein, oh oui, on en parlait tout à l'heure, lui fameux fa. Si je commence avec ça, il va pleurer, le gamin. Ouais, si je le force à faire ça, il arrête tout de suite. Alors qu'un adulte peut se dire, j'ai de la volonté quand même, je vais le faire. Et s'il faut expliquer des choses un peu compliquées, des transpositions, des choses un peu mathématiques, de la musique, ils ne vont pas y arriver, ça les gave. Il faut que ça soit facile pour eux et puis amusant. Et il faut s'entraîner chez soi, vous donner des devoirs à faire à la maison? Alors normalement, il faut s'entraîner, mais j'ai des exemples, oui, d'élèves qui ne s'entraînaient pas, puis qui y arrivaient quand même. Mais ils mettaient du temps. Hein. Mmh. Oui, c'est ça, c'est que ça met plus de temps après. Ah ouais. Les cours de guitare avec Jean-Pierre Poulain à la MJC d'Amboise, ça se passe quand? C'est le lundi. Toujours? Lundi soir, eh ben oui. Oh, mais ça fait longtemps que c'est le lundi soir. Ben oui, ben je suis fidèle. Et justement, selon vous, une structure comme la MJC dans l'apprentissage artistique et culturel, pour vous, ça joue un rôle important, une MJC sur un territoire? Oh, je pense, oui. Mmh. Oui, parce que ça permet de... Je pense que les cours... enfin, j'imagine que les cours sont moins chers. On me paye pour moi, mais je pense que ça peut être accessible à plus de gens. Oui, c'est ça. Parallèlement à des écoles de musique, notamment. Ah oui. Alors, par contre, je ne connais pas trop, là, je ne sais pas, mais... Enfin, en tout cas, pour parler des MJC, le fait que ça soit collectif, c'est des cours collectifs, bien qu'en ce moment, c'est individuel. Ils ont changé un peu. Okay. Mais collectif, c'est, on apprend peut-être un petit peu moins bien, mais c'est même pas sûr. C'est même pas sûr parce que, en fait, j'ai des élèves qui sont en cours collectif, qui ont très bien tourné. Mais moi, je me rappelle d'être dans des cours collectifs avec vous, et en fait, ça vous empêchait pas d'avoir un moment pour chacun. Ah bah oui, donc oui. C'était pas rédhibitoire, au contraire, je dirais même qu'on voit les autres évoluer, on échange entre musiciens en herbe, et non, c'était plutôt chouette. Et ce qui peut être rassurant, c'est que des fois, il y en a qui me demandent en individuel, comment est-ce que je suis par rapport aux autres. Mm-hmm. Ils sont pas obligés de me croire quand je leur dis que c'est bien. Oui, c'est vrai. que quelqu'un qui a une difficulté, il voit que les autres en ont aussi, donc ça peut rassurer. Ah, effectivement. Jean-Pierre, qu'est-ce qui motive des personnes à se mettre à un instrument de musique? Bah alors, c'est assez varié. Bah souvent, il y en a qui veulent devenir artistes, qui veulent en faire le métier. Mmh. Il y en a d'autres qui veulent rester amateurs, mais ils voudraient faire un groupe avec des copains. Mmh, d'accord. Alors, le plus rigolo... Oui, il y a des choses atypiques. C'est quelqu'un qui m'a dit, j'ai parié, je veux juste jouer un morceau. Parce que j'ai parié avec mon beau-frère, j'ai parié un gueuleton que je saurais jouer un morceau cet été. Ah, faut toujours se méfier des repas arrosés. Hein. Il en sort des fois des paris un peu fous. Oh, voilà. Mais n'empêche que, voilà, après, ça peut donner envie aussi de s'y mettre plus sérieusement. Et par contre, j'en oublie peut-être, mais il y a une motivation qui me fait peur, enfin, qui me faisait peur avant. Oui. C'est qu'il y en a qui me disent, mais c'est pour me détendre. Mmh. Puis je leur dis, qu'est-ce que vous aimez comme musique? Oh, bah, j'aime bien un peu tout, mais quoi Est-ce que vous avez décédé? Non. Vous connaissez la musique comment? Ben, c'est ce que j'écoute à la radio. Mm-hmm. Donc je me dis, ouais, d'accord, elle veut écouter, elle n'a pas de goût précis, elle veut juste se détendre. Mais quand elle va apprendre des choses que ça va lui faire mal aux doigts, ça va plutôt l'agacer que la détendre. Ouais, ouais, tout à fait. Parce qu'on n'évolue pas comme ça en claquant des doigts. Ben non. Par contre, maintenant, j'ai une réponse à ceux qui veulent juste se détendre. Alors, mais comment on fait pour se détendre en musique, alors? Eh ben, c'est justement un nouveau concept que j'ai appelé slow music, comme le mouvement slow life... Il y a slow fashion, slow cosmétique, slow food. Je me suis dit, pourquoi pas slow musique? Et en fait, le concept, c'est que j'ai fourni des instruments comme, par exemple, une harpe celtique, des guitares, je mets entre guillemets, magiques, parce qu'elles sont accordées d'une façon qui n'a pas de fausses notes. Ouais. C'est un peu presque comme une harpe. Des tong drums, c'est des petits... comme des hang pan un peu? Un peu, mais sauf qu'on tape avec des baguettes, et d'accord. Ça coûte beaucoup moins cher. Uh-huh. Des synthétiseurs, des métallophones. Et quand je mets des aimants dessus, ça baisse la note d'un demi-ton. Ah, oui. Je peux programmer les notes que je veux. Je peux même faire des morceaux de jazz compliqués avec des modulations. Oh. J'ai dit, on change, pas, puis ça marche. Même avec des déficients mentaux. Oh, c'est épatant. Et puis, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre des applis, comme on évoquait en début d'émission. Oui, voilà. Avec Coacillator, par exemple, synthétiseur tactile. Ouais. Et Serpentino, c'est quoi, ça? C'est un lithophone. C'est-à-dire que c'est comme un xylophone, mais c'est de la pierre. C'est de la serpentine. Oh. Une pierre volcanique. Génial. Et alors donc, vous arrivez à la maison avec tout ça? Enfin, pas tout. Vous arrivez à la maison avec certains des instruments. Ça veut dire qu'avant, on vous a contacté, on vous a dit, Jean-Pierre, moi j'ai envie de me détendre en musique. J'adore la guitare et les claviers. Vous arrivez avec... Avec deux, trois instruments seulement. D'accord. Et puis la semaine d'après, je reviens avec deux, trois autres. Et ça, c'est à domicile, vous vous déplacez? Ouais. Mais si on vient chez moi, il y a tout chez moi. À dispo aussi, oui, d'accord. Il faut aller à Tours aussi. D'accord. Et c'est un petit peu comme quelqu'un qui fait du sport, mm-hmm. dans une salle de sport. Ben oui, oui. C'est... Là, on est sur de la vraie détente. Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de progression. Donc, il n'y a pas le stress des difficultés auxquelles on est confronté. Mais c'est juste, on se fait plaisir, on se lâche et puis voilà. Ah, je propose même pour un anniversaire, par exemple, si vous connaissez quelqu'un qui adore la musique, qu'on n'a jamais fait. Oui. Qui voudrait jouer du piano ou de la guitare, je peux venir... Le jour de son anniversaire, vous m'invitez, ça coûterait 50 euros, je lui sors même un diplôme. Oh là là. Mais un diplôme humoristique, hein, c'est par exemple l'Académie internationale de slow music. D'accord. Certifie que le prénom en gros, enfin, blablabla, etc. Quoi. Puis le directeur de l'établissement, je signe. Génial. Et on met sa photo en filigrane un peu, enfin, qu'on reconnaisse quand on voit de loin. Ah, c'est top ça. Et je le fais jouer, je le fais improviser devant tout le monde le jour de son anniversaire. En surprise, bien sûr, il ne faut pas le prévenir avant. Eh oui, évidemment. Ah, c'est génial. Ah bah dis donc. Et je pense que 50 euros, c'est bien, parce que souvent, on m'a contacté, les gens m'ont payé 50 euros pour me dire, ben, ça fait 5 cours. Ils ont offert des cours de guitare à quelqu'un. Oui, d'accord. Donc les personnes offrent facilement 50 euros pour un anniversaire. Alors, toutes ces informations-là, si jamais on veut vous contacter, comment ça se passe? On vous trouve comment? Eh bien, si on tape Jean-Pierre Poulain Elienne sur Google, on trouve mon site, hein, j'ai une centaine de pages. Et puis une page YouTube. Oui, ben, ça qui est en lien aussi après sur mon site. D'accord. On peut taper dans YouTube, j'ai pas mal de vidéos aussi. Dont des vidéos avec des gens pris la première fois qu'ils jouent. Ah, super. Et donc, si on veut s'inscrire pour les cours de la MJC, on passe peut-être davantage par la MJC? Bah oui, oui. Oui, hein, oui. D'accord, très bien. Eh bien, super. Bah voilà. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre pour ce chouette moment partagé, pour votre engagement indéfectible auprès de la MJC d'Amboise. On rappelle que depuis 1992, quand même, vous êtes présent dans les murs. Chacun peut donc s'y retrouver, que ce soit pour le plaisir de jouer quelques notes ou pour progresser dans un univers musical. Vos cours sont une véritable porte d'entrée dans le monde de la guitare, hein, on peut le dire. Oui, en fait, on a oublié de parler, je fais par exemple la guitare d'accompagnement, on peut chanter aussi en même temps. Ah oui. Des chansons genre scout quoi, enfin, ou colline de vacances. Oui, on en parlait tout à l'heure, le petit feu au bord de la Loire, voilà. Au bord de la mer. Et guitare électrique aussi, hard rock, blues, jazz. Bon, il y a une chose que je ne fais pas, parce que je ne connais pas vraiment, c'est le flamenco. D'accord. Ouais, là, j'avoue que... Ah oui, ouais, c'est spécifique. Je touche à peu aussi, près à hein. Tout, mais ça, voilà. D'accord, très bien. Bah, comme je le disais, tout le monde peut donc s'y retrouver. Et bien pour celles et ceux qui souhaiteraient s'inscrire et en savoir plus, rendez-vous directement auprès de la MJC d'Amboise ou bien sur Internet, vous pouvez retrouver Jean-Pierre Poulain, I-N, on précise bien. Oui, P-O-U-L-I-N. Voilà. Et bien on se retrouvera très bientôt pour un nouveau portrait d'intervenant sur Radioactive. Merci beaucoup Jean-Pierre Poulain, c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et bien merci. C'est la fin de ce mag, à très vite sur Radioactive.